Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Sortie en 1937, La Grande Illusion est à peu près unanimement considérée comme l'un des plus grands films de Jean Renoir et comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. À quoi tient la force, à quoi a tenu le succès de ce film de guerre, se jouant des poncifs du genre? Au talent de ses interprètes, bien sûr, mais avant tout au génie de Renoir. Pour André Bazin, dans La Grande Illusion, le génie de Renoir était, je cite, « de nous proposer les plus importantes vérités sociales et morales sans jamais tomber dans le film à thèse ». Et pourtant, poursuivait Bazin, Renoir dit bien ce qu'il veut dire. Les classes divisent les hommes plus réellement que les frontières. Mais ces divisions de classes, elles-mêmes, ne résistent pas aux besoins d'amitié et de fraternité. En 1985, dans Les Mardis du cinéma, en compagnie des critiques Jean Collet et Jean Narboni, Noël Simsolo revenait sur le moment majeur que représente La Grande Illusion dans l'œuvre du cinéaste majeur qu'est Jean Renoir. Jean Renoir, dont la voix que l'on retrouvait tout au long de cette émission, éclairait tout à la fois le sens de ce film et plus largement l'idée qu'il se faisait de son métier. On entendait notamment Renoir rapporter la sentence lâchée par Roosevelt en 1937 à la sortie d'une projection de La Grande Illusion. Tous les vrais démocrates du monde devraient voir ce film. Les Mardis du cinéma, La Grande Illusion, une émission diffusée la première fois le 2 juillet 1985 sur France Culture. Les Mardis du cinéma. La Grande Illusion, une émission de Noël Simsolo, réalisée par Maurice Audran, à la technique, Roland Alagnès. Avec la participation de Jean Collet et Jean Narboni. La voix de Jean Renoir. J'ai terminé la guerre comme officier de carrière dans la cavalerie. Et d'ailleurs avec un seul désir, qui était de donner ma démission. J'ai terminé la guerre avec l'idée que ce genre de massacre était bien inutile et qu'il valait mieux se dévouer à d'autres activités. Voilà, c'était la voix de Jean Renoir, parlant de la guerre et parlant, disons, de sa haine de la guerre. Alors, La Grande Illusion est un film que l'on a considéré comme pacifiste. Il est de 1937. On peut déjà remarquer que, à cette époque, il y avait eu peu de films pacifistes. Après la guerre 14-18, il y avait peut-être eu en France J'accuse d'Abel Gance en 1919. Aux USA, il y avait eu La Grande Parade de King Vidor en 1925. À l'Ouest, rien de nouveau de Lewis Winston en 1930. En Allemagne, il y a eu Quatre de l'infanterie de Pabst en 1930. On trouve aussi un film pacifiste en Russie, Okhrena de Boris Barnett en 1932. Et puis de nouveau en France, en 1931, deux films, Verdun, Vision d'histoire d'Edmond Poirier et Les Croix de Bois de Raymond Bernard. Mais en France, on peut dire, Jean Collet, que le film pacifiste n'était pas tellement courant à cette époque. Oui, et on sait que Renoir a eu un mal de chien à produire ce film. Aucun producteur n'en voulait. Il a traîné dans les couloirs des producteurs pendant 3 ans, le pauvre Renoir, jusqu'à ce que finalement il trouve un financier qui n'appartenait pas au monde du cinéma et qui a pris le risque en toute innocence, aux innocents les mains pleines, puisque le film a été un grand succès. Il a surtout pu grâce à l'aide de Gabin, raconte-t-il, oui, d'ailleurs, oui. Qui après les bas-fonds s'était pris d'amitié pour Renoir, qu'il appelait le gros et qu'il l'a suivi dans toutes ses démarches, ce qui est assez rare aujourd'hui encore. Absolument, Gabin s'est vraiment battu pour ce film. Mais on peut dire aussi qu'à cette époque, en France, il y avait quand même des militaires sur les écrans. Il y avait beaucoup de vaudevilles militaires et énormément de films colonialistes, Lyautey, La Légion étrangère et tout cela, Jean Narboni. Oui, il y avait beaucoup de films exotiques. Je ne parle pas d'une production à côté sur les vaudevilles, les calçonnades, etc. Mais il y avait pas mal de films de type coloniaux, exotiques, mythiques, mythologiques sur la Légion, etc. Mais ce qui est très curieux, c'est que pour revenir à l'idée du pacifisme, autant dans le cinéma, les choses ont été assez faibles, Autant dans le milieu intellectuel, bon, l'idéologie ancien combattant, sans connotation d'aucune sorte, mais à savoir des gens qui avaient connu la guerre de 14-18, qu'ils avaient vécu, éprouvé comme horreur, bon, ces gens qui souvent étaient des écrivains avaient manifesté entre 18 et disons 34, 35 beaucoup d'activités sur le thème précisément ce sera la dernière fois, plus jamais ça, que ça va de Céline à Giono, de Dorgelès à Barbus, etc. C'est un courant assez fort dans la pensée française. Cependant, ce qui est assez étrange à analyser, c'est que l'on voit qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de films pacifistes, mais ça n'est pas innocent. C'est lié complètement à la politique isolationniste américaine qui ne veut plus faire la guerre, qui ne veut plus y aller ou intervenir indirectement. Alors qu'en France, il y a quand même toujours l'idée de la revanche quelque part dans l'esprit des gens. Et le militaire, c'est très curieux parce que d'un côté, je disais, il y a le vaudeville militaire où le militaire est tourné en dérision, et c'est surtout la nostalgie de l'avant 14 dans les uniformes. Mais tout cela que l'on y trouve. Et d'un autre côté, alors il y a le grand mythe, la Légion étrangère, le désert, qu'on trouve dans la chanson, les chansons de Marie Dubas, d'Edith Piaf. C'est vraiment le grand mythe, Macorlan et tout cela, et qui est délibérément, alors là, on peut dire militariste. Et faut se rappeler que Renoir avait fait un film, Jean Collet, qui s'appelait Le Bled oui, et qui oui, était un film très ambigu sur la fin des années 20. Sur la conquête de l'Algérie, qui était un film vraiment colonialiste. Mais ça m'ennuie un petit peu d'aborder le film de Renoir de cette manière, parce que je crois que les mots en isme ça colle pas avec Renoir. Renoir se sert des grands thèmes, des grandes idées comme d'un matériel. C'est un matériel grossier. Vous avez raison, Jean Collet, nous y reviendrons. Mais cependant, il faut dire que dans les thèmes des films qu'il a pris à cette époque, dans les années 30, bon, on en reviendra tout à l'heure, mais La Grande Illusion est un grand thème où le pacifisme est là avant toute chose dans l'esprit des gens qui iront voir le film et du succès qu'il aura. Et c'est important car Renoir, étant un ancien militaire, lui-même d'ailleurs s'est très très bien défini dans ses rapports qu'il avait avec l'armée et la période d'avant 14-18. La Grande Illusion, pour moi, est une sorte de, je peux dire d'hommage, mais le mot hommage est un petit peu solennel, un peu prétentieux. Je devrais dire presque de témoignage d'affection pour la cavalerie, telle que je l'ai connue, et pour l'armée en général, l'armée française en général, telle que je l'avais connue avant 1914. Cette armée, vous vous en doutez, n'avait aucun rapport avec ce que nous connaissons maintenant. Les soldats modernes sont héroïques, sont efficients, sont magnifiques, mais leur aspect de mécanicien supérieur et de technicien parfait est un aspect qui convient au monde moderne, qui n'aurait pas convenu à cette espèce de prolongation de l'ancien régime qu'était l'armée avant 1914. Car j'ai connu la cavalerie vraiment telle qu'elle était. Je crois qu'elle n'avait pas changé depuis les règlements de Louvois, ou à peu près. Ce qui ne veut pas dire que c'était un état sauvage ou retardataire. Non, pas du tout. Simplement, il y avait ce mélange de discipline extraordinaire et d'apparence relâchée, qui était la caractéristique du XVIIIe siècle français. Il y a une chose, par exemple, qui m'avait frappé lorsque j'étais arrivé dans la cavalerie, c'était l'affectation des officiers, affectation que j'approuve tout à fait, de supérieur à inférieur, de ne jamais s'appeler par son grade. Je n'ai jamais entendu un colonel appeler un lieutenant. Il l'appelait monsieur. Oui, dans la cavalerie, on s'appelait encore monsieur, comme on s'appelait monsieur chez les Chouans pendant, pendant la Révolution. Et une autre chose qui était très extraordinaire, c'était cette phrase, cette ligne du règlement de la cavalerie, ligne que l'on pouvait lire à presque toutes les pages, qui était la suivante, qui, à mon avis, est tout un programme. Ce sont les mots « sans affectation ni raideur ». Lorsque, par exemple, nous faisions de l'école à cheval, Eh bien, c'était le mot qui revenait constamment dans la bouche de nos instructeurs. Ne soyez pas raide, soyez détendu, n'est-ce pas? Et lorsque, par hasard, on avait un jeune cavalier, n'est-ce pas, qui, plein d'une espèce de zèle, avait une attitude raide et tendue, et les jambes un petit peu écartées, n'est-ce pas, le mot des officiers était « Mais monsieur, vous êtes ridicule, mais monsieur, vous montez comme Jeanne d'Arc !» Jeanne d'Arc, apparemment, dans l'esprit des vrais cavaliers, représentait le comble de la maladresse à cheval. Je suis donc tombé dans ce milieu, arrivant de ma famille, arrivant de mon collège, n'est-ce pas, qui était absolument le jour et la nuit. C'est comme si j'étais tombé dans la lune, mais dans une lune que j'ai tout de suite beaucoup aimée et à laquelle je me suis beaucoup attaché. Et lorsque j'ai vu ce monde s'effriter, par suite des nécessités techniques de la guerre, eh bien, j'ai eu beaucoup de peine. Et quand j'ai fait La Grande Illusion, et lorsque, avec l'aide de mon ami Spack, nous avons écrit le rôle destiné à Freinet, le rôle du capitaine de Boieldieu, eh bien, je l'ai fait en hommage à mes anciens camarades du Premier Dragon. Donnez-moi votre parole d'honneur que vous n'avez rien dans la chambre contre le règlement. Je vous donne ma parole d'honneur. Merci. Mais pourquoi ma parole et pas celle de ces messieurs? La parole d'honneur d'un Rosenthal et celle d'un maréchal? Elle vaut la nôtre. Peut-être. Asseyez-vous. Je vais vous dire quelque chose, Boieldieu. Croyez bien que le métier que je fais à présent me répugne autant qu'à vous. C'est vrai. J'étais un combattant. Maintenant, je suis un fonctionnaire, un policier. Mais c'est le seul moyen qui me reste encore pour me donner l'air de servir ma patrie. Brûlez partout la raison pour mes gants. Colonne vertébrale fracturée en deux endroits. Une plaque d'argent. La rotule du genou est en argent aussi. Les malheurs de la guerre m'ont apporté ces richesses. Me permettez-vous une question? Naturellement. Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception en me recevant chez vous? Pourquoi? Parce que vous vous appelez Boieldieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Raffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Mais mes camarades sont aussi des officiers. Un maréchal et un Rosenthal, officier. Ils sont très bons soldats. Oui, joli cadeau de la Révolution française. Je crains que ni vous ni moi ne puissions arrêter la marche du temps. Boieldieu? Je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin des Raffenstein et des Boieldieu. On n'a peut-être plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage? Peut-être. C'était Eric von Stroheim et Pierre Freinet dans une scène célèbre de La Grande Illusion. Alors, la question qu'on peut se poser avant d'aborder profondément la façon dont Renoir travaille dans La Grande Illusion, c'est quelle place ce film a-t-il dans l'œuvre de Renoir, donc moi dans ce qu'il avait fait avant Jean Narboni? Oui, avant de venir là, je voudrais simplement signaler quelque chose qui n'apparaît pas quand on écoute cet extrait, pour ceux qui n'ont pas le film en mémoire, c'est que cette chevalerie que décrit Renoir, ces rapports exceptionnels entre deux personnages se considérant comme l'élite de l'armée et de la nation qu'ils représentent, est frappée d'une ironie secrète. Parce que Eric von Stroheim demande à Pierre Freinet, donnez-moi votre parole d'honneur, que vous n'avez rien caché dans cette chambre qui soit contraire au règlement, en disant que la parole de Boieldieu suffit et que celle de Rosenthal, un juif, ou de maréchal, un prolétaire, etc., ne valent rien. À ce moment-là, Pierre Freinet ment, ou joue sur les mots, dans cette pièce, puisqu'on sait qu'exactement hors de la pièce sur la fenêtre et dissimuler une corde. Ce qui déjà frappe d'ironie, comme toujours chez Renoir, les choses qui pourraient s'enfler un petit peu. Ça, et toujours chez Renoir, ce qui n'est pas dans l'écran a toujours une fonction mystérieuse qui revient dans l'écran. Mais là, on en parlera sur le style même de Renoir, l'utilisation du son et tout cela. Et cette scène, justement, est intéressante parce que dans quelle limite le mensonge peut-il intervenir comme un élément de réalité aussi chez Renoir? C'est tout un tas de thèmes que nous allons aborder. Mais je voudrais revenir à la question que vous avez posée. Pour aller très très vite, donc Jean Renoir, fils d'un peintre célèbre, se demandant lui-même ce qu'il allait faire dans la vie, hésitant entre plusieurs métiers, la céramique, la peinture, la poterie, son engagement dans la cavalerie, a finalement opté pour le cinéma, pensant que c'était là qu'il travaillerait le mieux, et a donc réalisé un certain nombre de films à l'époque muette, Nana, etc., sous l'influence d'ailleurs de Stroheim, on y reviendra, des films de Stroheim, mais je vais tout de suite aborder la période parlante, tout en sachant que pendant la période muette, il a extraordinairement expérimenté, lui aussi, comme Orson Welles, ce jouet qu'était le cinéma, en inventant constamment des films qui étaient considérés comme des films d'amateurs doués ou de bricoleurs, pas très au point, etc., en tout cas toujours très peu orthodoxe quant aux normes de la production. Il a commencé à être pris au sérieux à la fois publiquement et d'un point de vue critique à partir d'un certain nombre de films comme La Chienne, Boudu, etc. Et ce qui est très important, c'est de rappeler et de revenir à ce que disait Jean Collet tout à l'heure, c'est que le scénario de La Grande Illusion a traîné 3 ans. Donc le film a été tourné, je crois, à l'hiver 36, ce qui fait que le scénario a été écrit en 33. Il a subi, on y reviendra, de multiples modifications sous l'influence des influences très diverses de Spack, de Stroheim, on le verra, de Dalio, etc. Mais Renoir, pendant ces 3 ans, n'a pas travaillé qu'à La Grande Illusion, même si, comme il le dit, il a perdu son temps en d'innombrables démarches dont il dit qu'elle pourrait faire elle-même l'objet ou le sujet d'un film. Et grâce à l'aide, il faut le répéter, de Gabin. Mais Jean Arbonnet, ce qu'on peut remarquer, c'est que à l'époque, pendant les 3 ans où il prépare La Grande Illusion, ces films prennent quelque chose qu'ils n'avaient pas auparavant, c'est l'idée de groupe. Il y a des groupes, et Absolument. Ça aboutit au bas-fond d'ailleurs. Absolument. Donc pendant le temps, entre le moment où le premier jet de La Grande Illusion est écrit et le moment où le film se monte, finalement, après des épisodes rocambolesques, Renoir a quand même tourné un certain nombre de films. Donc, le film où il a commencé à être taxé comme cinéaste des gauches, comme le décrivait Roger Lénard, c'est Le Crime de Monsieur Lange. Bon, crime qu'il a... film qui a été réalisé... Là-dessus, c'est intéressant. Intéressant. Qu'il a réalisé en collaboration avec ce qu'on appelait à l'époque le groupe Octobre, qui était la réunion d'un certain nombre de gens devenus souvent du théâtre et qui était, disons, d'inspiration anarchiste, anarcho-syndicaliste, proche des mouvements trotskistes et qui réunissait des gens qui apparaissent d'ailleurs comme des copains, comme un groupe. Enfin, le tournage du film ressemble à ce que raconte le film, comme souvent chez Renoir. Mais avec la démarcation du théâtre dedans, qui est très importante. Avec la démarcation du théâtre. Et donc, apparaissent dans le film des gens qui ont participé à ce travail, bon, qui sont aussi bien des gens comme Brunius, Marcel Duhamel, Maurice Baquet, etc. Et Prévert. Et Prévert, évidemment. Et il a également réalisé ensuite, et c'est là que c'est important, on en parlera après sur les rapports avec le Parti communiste, un film de commande qui s'appelle « La vie est à nous », qui est un film de propagande communiste pour les élections du Front populaire, et qu'il a donc réalisé alors que le scénario « La Grande Illusion » était écrit. Il a également fait, avant de commencer « La Grande Illusion », la partie de campagne, et il a également fait « Les Bas-Fonds ». Et il a failli renoncer à « La Grande Illusion » à partir du moment où un jour, Charles Spack lui a expliqué le sujet de la belle équipe, et Renoir, ne pouvant monter « La Grande Illusion », n'arrivant pas à le monter, et tout à coup extrêmement intéressé par le sujet de la belle équipe, a demandé à Duvivier « Je te donne le sujet de « La Grande Illusion » et je fais « La Belle Équipe ». Duvivier a dit « Non, je fais « La Belle Équipe », et finalement, La Grande Illusion s'est montée. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que La Grande Illusion, donc film pacifiste, marqué comme tel, même si à l'arrivée, c'est quand même autre chose, c'est du Renoir. On peut dire qu'il y a une chose qui me fascine par rapport à l'intervention que Renoir a faite au micro tout à l'heure, c'est qu'il parlait du côté non raide des choses dans l'armée. Et j'en connais, on peut dire que finalement, la force de La Grande Illusion, c'est peut-être d'avoir traité un sujet qui pouvait être extrêmement raide d'une manière qui ne l'est pas du tout. Oui, alors là, il est peut-être intéressant de voir comment le film a changé, comme disait Jean Arbonnet, en 3 ans, depuis la première rédaction du scénario jusqu'au film que nous connaissons, beaucoup d'éléments ont été modifiés, déplacés. En particulier, il y avait une certaine importance des rôles féminins qui étaient dans le scénario d'origine. Ce qui n'est pas étonnant de la part de Renoir. Ce qui n'est pas étonnant, parce que finalement, ça devait être un casse-tête pour Renoir de faire un film sur des prisonniers de guerre, parce que, évidemment, c'est un milieu et des conditions de vie où il n'y a pas de femmes. Alors, dans le premier scénario, il y en avait, et il est intéressant de voir comment il les a supprimées. Annabella devait jouer une infirmière à Corte, etc. Voilà. Et d'ailleurs, elles sont encore présentes, mais on pourra peut-être en parler d'une manière très, très, très discrète, très indirecte. Donc, les films de Renoir, on sent bien que ce ne sont pas des films planifiés et que, à chaque instant, la vie fait irruption. Au fond, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour que, jusqu'au dernier moment, au moment du tournage, les acteurs, probablement même les techniciens, puissent apporter quelque chose qui nourrit le projet, qui le renverse parfois, qui le déplace. Il n'y a pas une idée directrice, comme on dit. Ça, je crois que ça serait tout à fait contraire à l'esprit de Renoir. S'il y en a une, elle n'est qu'un prétexte, au sens fort. Elle est un canevas, un motif qui va permettre d'aller beaucoup plus loin et parfois dans une direction inverse. Oui, justement, il y a le côté artisan, quelque part, chez Renoir, avec la surprise que ça peut donner. Et d'ailleurs, nous avons retrouvé dans les archives de l'INA un petit bobino où Renoir parle, disons, de ce qu'il avait voulu, pourquoi il a fait du cinéma, et sa fascination du côté céramiste et du côté artisan. Nous étions les témoins journaliers de cette espèce de miracle qu'était mon père devant un chevalet, et nous savions bien que nous ne pourrions jamais espérer atteindre à cette maîtrise, et nous préférions nous confiner à des exercices plus modestes. Quand nous avons fait de la céramique, sur les conseils de mon père, nous avions cru que nous entrions dans un métier, dans une carrière purement artisanale. Nous comptions sans les temps et sans le progrès des temps. Aujourd'hui, il est très difficile, il est pour ainsi dire impossible de faire de la céramique d'une façon artisanale. Ou bien on fait de la céramique d'une façon industrielle, c'est-à-dire qu'il faut être ingénieur, sortir d'une grande école, et puis on a une usine où on travaille dans une usine comme Creil et Montereau, et ça consiste à faire des statistiques et à trouver une façon pour économiser 2 grammes d'émail par assiette et à produire le kilogramme d'assiette à temps au lieu de temps. C'est tout à fait une autre histoire. Ou bien vous faites de la céramique comme un artiste, et dans ce cas-là, il faut avoir la force et les prétentions d'un artiste. C'est ce que fait mon frère maintenant, il a bien raison. À ce moment-là, moi, je n'en ai pas eu le courage. J'ai compris tout de suite que si je voulais payer les frais d'un four et tous les frais que comporte la fabrication d'objets céramiques, de vases et d'assiettes et d'objets d'art, j'ai compris qu'il fallait vendre ces objets au prix d'objets d'art. Il fallait les vendre comme des réalisations individuelles. Il fallait les exposer dans des expositions, dans des galeries d'art. Et je me suis dit, alors si c'est ça, n'est-ce pas, s'il s'agit de m'exprimer moi-même par le truchement d'un vase, pourquoi pas faire de la peinture ? Or, j'ai peur de faire de la peinture, par conséquent, je vais faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais essayer de faire du cinéma. Le cinéma me semblait un métier plus artisanal et me semblait, en tout cas, en ce qui concerne le metteur en scène, plus anonyme. J'étais même convaincu que le cinéma serait pour moi une façon de travailler qui me permettra de garder un anonymat complet, d'être simplement une sorte d'artisan derrière la caméra et de ne jamais me trouver en face des problèmes redoutables de la réalisation et de l'expression personnelle. Voilà pourquoi j'ai fait du cinéma. Le cinéma nous était familier dans cette maison pour la raison suivante. Lorsque mon père, avant sa mort, se trouvait confiné par son état de santé dans la maison des Colettes, pour le distraire, mon frère Claude avait décidé de lui faire des projections. Nous avions acheté une machine de projection et nous empruntions des films au cinématographe du pays et nous les lui projetons. C'est ainsi d'ailleurs que mon père a pu voir quelques-uns des premiers de Chaplin qu'il a beaucoup aimé. Et ça nous avait rendu familiers avec la pellicule. Et il me semblait qu'en rentrant dans le cinéma, je n'entrais pas dans un domaine absolument étranger. J'ajoute que Il me semblait que ça avait quelque rapport avec la céramique. La céramique, ça se passe de la façon suivante. On fait un vase, on lui donne une certaine forme. Bon, la forme, on en est à peu près sûr, et encore. Puis ensuite, on met de l'émail dessus et on peint. Et on peint avec des oxydes. Surtout que j'avais la manie des oxydes naturels et que j'évitais les couleurs perfectionnées et que je ne peignais qu'avec des cobalt purs, des cuivres purs, etc. Alors, tous ces oxydes sont noirs. Alors, on a un motif, n'est-ce pas, qui est représenté sur un vase que l'on a peint. On le met au four et il en sort tout à fait autre chose. Ce qui en sort d'ailleurs est souvent beaucoup mieux. Il me semblait que le cinéma c'était comme ça. Il me semblait qu'on avait une scène devant une caméra, qu'on la mettait en scène, qu'on la photographiait, qu'on l'envoyait au laboratoire et que ce qui en revenait était quelque chose d'absolument inattendu. Alors cette ressemblance me passionnait parce que je crois énormément au hasard. Je crois qu'à partir du moment où dans un métier on est sûr de ce qu'on fait, on est perdu. Et il me semblait que la part de hasard dans le cinéma, surtout au début, pensez donc, j'ai commencé le cinématographe tout de même en 1922, et alors là, il est évident que la somme des hasards était très grande, et c'est ce qui rendait le cinéma, cette époque, absolument passionnant. Renoir, donc, qui évoquait son passé de céramiste et ses débuts de cinéaste. Alors, Jean Collet, je pense que ce que vient de dire Renoir peut définir en quelque sorte le style de Jean Renoir et le style de Jean Renoir que nous voyons d'ailleurs dans La Grande Illusion. Oui, je voudrais partir du dernier plan de La Grande Illusion. C'est le moment... Décrivez-le, Jean. Où les deux, justement, c'est le moment où les deux évadés vont franchir la frontière entre l'Allemagne et la Suisse. Donc, ils sont libres. Le film s'achève là-dessus. Alors nous voyons une patrouille allemande qui les a repérés dans la neige, c'est en plein hiver, dans un paysage de montagne, et qui commence à tirer sur eux de très loin, donc qui les manque. Et le chef de la patrouille dit à ses hommes, bon, ils ont franchi la frontière, maintenant c'est trop tard. Et nous partons d'un cadrage sur cette patrouille, et Renoir fait un très grand, très ample panoramique pour retrouver, en allant de gauche à droite, en plan très très large, en plan général, les deux fugitifs comme deux points noirs dans la neige. Alors ce qui est intéressant là, c'est d'avoir traité en un seul plan les antagonistes, enfin la patrouille allemande et les deux fugitifs. Ce plan qui embrasse l'ensemble là des protagonistes, il est déjà à la fin de Boudu sauvé des eaux. Alors à la fin de Boudu sauvé des eaux, il y a un clochard qui est redevenu clochard après avoir fait une incursion dans le monde civilisé, hein, et on le voit au bord de la Marne. Il est dans son élément, il a retrouvé son uniforme de clochard, et il y a un immense panoramique qui est très beau, qui est très très lyrique, qui suit le fil de l'eau, qui traverse la rivière pour rejoindre l'autre groupe des personnages civilisés que le clochard a définitivement abandonné. Il me semble que chez Renoir, la caméra est toujours ce qui relie les êtres, même les êtres qui n'ont aucun point commun, aucun contact, même les ennemis, hein. Et que cette caméra, elle essaie toujours d'embrasser les choses et les gens et de les caresser d'une certaine manière. Alors on parlait de céramique, enfin Renoir parlait de céramique. Mais je crois qu'il y a quelque chose de tactile. Je vais interrompre un instant parce que ce qui est intéressant dans les deux plans que vous venez de définir, celui de décrire et de définir celui de la Grande Illusion qui finit la Grande Illusion et celui qui finit Boudu sauvé des eaux, c'est que la nature a sa place d'espace dans ce plan, toujours voilà. La neige dans l'un, l'eau dans l'autre, et que la nature et l'histoire sont toujours présents dans la mise en scène. Dans la révolution, il y a aussi l'historien qui arrête pas de dire 12e siècle, 13e siècle sur ce qui a été construit dans cette nature et qui vient la nature elle-même. C'est ça. Alors, la céramique, oui. Oui, je veux dire, c'est une approche tactile. Il faudrait analyser les styles au cinéma à partir de nos sens. Enfin, il y a des gens qui sont davantage visuels, d'autres qui sont davantage auditifs, d'autres olfactifs, d'autres tactiles. Et chez Renoir, on sent bien qu'il y a un besoin de pétrir, de saisir les choses et de s'y plonger, de s'immerger aussi dans les choses pour les ressentir et nous les faire ressentir avec tout notre corps. Je crois que c'est ça, avant de les voir. En fait, tout son cinéma, on pourrait dire ça, c'est une représentation de rapport humain. Oui, moi je crois que, je sais pas, on se souvient de ce que Bazin avait écrit sur Wells, sur Renoir, etc., savoir que tout, inspiré de Malraux d'ailleurs, que tout style renvoyait à une métaphysique. Et je crois que bon, chez Renoir, le mouvement de caméra renvoie à la métaphysique de Renoir, oui. Qui est bon, une métaphysique de type effusive c'est et ça. Unanimiste, c'est-à-dire que la caméra est faite pour unir c'est ça. Des gens entre eux ou des groupes de gens, et on a toujours des mouvements qui embrassent et qui constituent un groupe et un clan. Mais il y a un deuxième aspect qui m'intéresse et qui en fait une sorte d'anti-Hitchcock. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la querelle entre Selznick et Hitchcock à propos de Rebecca. Quand il fallait présenter la chambre de Rebecca, Selznick voulait absolument qu'on parte de l'oreiller avec R et qu'ensuite on montre la chambre, et Hitchcock ne tenait absolument à ce que ce soit le contraire, qu'on ait d'abord la chambre et qu'on aille vers l'oreiller, parce que chez Hitchcock, on part du plus vaste et on va vers le gros plan, qui est le plan d'horreur, le plan du crime, le plan de l'œil crevé, etc., ou de la trace. D'une certaine façon, Selznick serait plus renoirien. Finalement, parce que chez Renoir, il y a souvent ce mouvement. On part du plus étroit et on recule. Et à partir de là, on voit les personnages, on les inscrit dans un univers et ça atteint, disons, dans le fleuve quelque chose de cosmique, par exemple. Citons quand même l'apparition de Stroheim, la seconde apparition de Stroheim comme chef de la forteresse. On part du décor de la chapelle qui est devenue sa chambre, et la caméra va décrire minutieusement tous les objets, c'est-à-dire l'environnement, avant d'arriver, mais très tard, sur le personnage. Et en quelque sorte, on peut dire que chez Renoir, pour montrer les personnages, pour montrer les rapports humains, un homme étant l'humanité aussi, toujours, le rapport des deux est fait, et quelles sont ces différences avec les autres qui créent cette humanité, le décor et les lieux où il s'installe sont importants. Et alors, moi, je vais faire une pirouette, je veux dire, le metteur en scène sait très bien que les lieux qu'il va montrer, même s'il ne les décrit pas en détail, parce que c'est très rare, les plans, ce qu'on appelle le plan de coupe, le plan rapproché d'un élément, on voit pas, par exemple, cette séquence dont vous parliez, Jean Collet, on voit également l'ordonnance qui gonfle les gants blancs de Stroheim, avant de lui dire par la suite, c'est les deux derniers, etc., etc. Bon, certains cinéastes auraient fait un gros plan des gants blancs, des mains qui les prennent, on aurait coupé, on aurait eu la personne qui soufflait, on aurait coupé sur le regard de Stroheim, et qu'il y a cette volonté presque frontale chez Renoir, frontale avec mouvement de caméra sur pivot pour décrire les choses, et que la même chose, quand deux acteurs ont des choses à dire importantes, alors là, la caméra, c'est un peu comme chez Guitry, n'a pas besoin de passer de l'un à l'autre sans arrêt, sauf si antagonisme très important, mais c'est cadré ensemble, et ils parlent ensemble. Alors ça, est-ce que dans l'idée de style chez Renoir, ça n'est pas les rapports humains créent la dynamique de la mise en scène? Oui, bien sûr, mais c'est même tout ce qui l'intéresse. Je crois que s'il y a un projet chez Renoir, il y a un projet tenu, quelles que soient les surprises et les hasards qui viennent le nourrir ou le contrarier, ce projet, c'est de montrer ce qui se passe entre des êtres humains et des êtres vivants, non pas des produits de nos idées ou de thèses ou de thèmes que l'on voudrait traiter a priori. Par exemple, c'est de les voir vivre et de les voir vivre ensemble, s'affronter, voilà, se fasciner. Il y a un primat, pas seulement. Bon, il s'intéresse plus aux personnages qu'aux situations ensemble, et il s'intéresse énormément aux acteurs. Donc, à partir du moment où il s'intéresse aux acteurs, il y a une mise en scène qui fonctionne par rapport à leur mouvement. Et souvent, les personnages vont se définir par un sujet qu'ils abordent ensemble en faisant autre chose. Et il y a une séquence qui est très révélatrice du style de Renoir pour moi, c'est la séquence de la préparation de la représentation théâtrale dans le camp, où ils sont tous ensemble en train de discuter des raisons pour lesquelles ils pourraient s'évader. D'un côté, des enfants qui jouent aux soldats, et de l'autre, des soldats qui jouent comme des enfants. Je vais pas penser de savoir ce qui se passe chez moi. T'as pas de nouvelles? Rien. Moi, je me fous de ce qu'a fait madame. Ce qui me pousse à me deviner, c'est que je m'embête trop. Trop, tu veux t'évader pour te distraire. Voilà. Moi, je n'ai pas esprit de contradiction. Depuis qu'on m'a interdit de me battre, j'en brûle d'envie. Oh, moi, c'est pour faire comme tout le monde. Et puis, ça m'embête d'être ici pour que les autres ne font pas la gueule. Bah, pour moi, la question ne se pose pas. À quoi sert un terrain de golf à jouer au golf? Un compte de tennis à jouer au tennis? Un compte de prisonnier, ça sert à s'évader? Qu'est-ce que vous en pensez, Rosenthal, vous qui êtes un sportif? Lui? Ah, il est né à Jérusalem. Oh, pardon, à Vienne, capitale de l'Autriche. D'une mère danoise et d'un père polonais naturalisé français. J'ai une belle bretonne, quoi. C'est possible, mais vous autres vieux français des tous réunis, vous ne possédez pas 100 mètres carrés de votre pays. Eh bien, les Rosenthal ont trouvé le moyen à 35 ans de s'offrir 3 châteaux historiques avec chasse et temps en terre arabe, Berger, Clapier, Garenne, Saint-Jean-Adriara et 3 galeries d'authentiques ancêtres au grand complet. Si vous croyez que ça ne vaut pas la peine de s'évader pour défendre tout ça. J'avais envisagé la question du patriotisme sous cet angle, venir à ces particuliers. Clapier, Saint-Jean-Adriara, Garenne. Peut-être que tu dois leur donner à bouffer comme Jimmy à tes larmes. Moi, j'ai été amené dans la bagarre d'une drôle de façon. Si je suis soldat, savez-vous bien, c'est parce que je suis végétarien. Végétarien? Parfaitement. Mon frère et moi, on avait une maladie d'estomac. Le médecin nous a dit, si vous continuez de manger de la viande, vous êtes fichu. Moi, je suis devenu végétarien et j'ai guéri. Mon frère a continué de manger de la viande et il est devenu très malade. Et on l'a réformé. Alors, jugez par vos citations, être végétarien ne vous a pas empêché de faire votre devoir. Ça ne m'a surtout pas empêché d'être cocu. Alors, vous avez peut-être reconnu les voix de Julien Carrette, Jean Dasté, Gaston Baudot, Marcel Daliot, Jean Gabin et Pierre Freinet. Et les acteurs, généralement, qui travaillent avec Renoir, et dans La Grande Illusion, ont été très marqués par ce film et par la façon dont Renoir les a utilisés, comme le prouve un témoignage que nous avons retrouvé, où Dita Parlo et Pierre Freinet définissent leur travail avec Renoir. Pour moi, c'est le film sur lequel j'ai quitté le cinéma. C'était juste avant la guerre, quand on l'a tourné, et même si tout à l'heure Monsieur Spack protestait et me reprochait de m'avoir donné un rôle dans Justice est faite, je m'excuse auprès de lui, mais vraiment, La Grande Illusion est pour moi le dernier grand souvenir du cinéma. Ça évoque d'abord un hasard exceptionnellement favorable, puisque c'est tout à fait au dernier moment et quelques jours avant le commencement du film que Jean Renoir m'a confié le personnage. C'était le résultat de circonstances très complexes, n'est-ce pas ? Le personnage avait été destiné à d'autres comédiens. Il m'est échu, en définitive, à la suite de nombreux hasards. C'est pas du tout une façon de me plaindre, c'est une façon de me réjouir davantage, n'est-ce pas ? Et je dois dire que c'est pour un acteur quelque chose de très voluptueux que de savoir que son nom reste attaché à un des films qui a été désigné comme un des 12 meilleurs depuis que le cinéma existe. Ça a même été un personnage dangereux. Il a fallu que je m'en défende. Pendant tout de suite après La Grande Illusion, on ne m'offrait guère que des officiers à gants blancs et à monocle. J'ai dû lutter très fortement contre ce souvenir. Oui, c'était donc Pierre Freinet et Dita Parlo qui parlaient de La Grande Illusion. Alors, avant d'aborder vraiment l'acteur Jean Renoir, j'aimerais vous raconter une anecdote sur le tournage, car un jour, Jean Gabin, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Gabin et on a parlé de cela. Et d'ailleurs, il appelait Renoir le gros et il disait d'ailleurs que c'était le metteur en scène avec lequel il préférait travailler. Bon, les raisons pour lesquelles il ne les a pas exprimées, mais il racontait ce qui se passait. Il tournait dans un endroit où le jour se couchait très tôt et il ne savait pas quoi faire en attendant le lendemain du tournage. Et ils avaient découvert un petit vin blanc formidable. Et alors voilà comment ça se passait, c'est qu'ils buvaient tous ensemble, toute l'équipe ensemble, les acteurs et tout, sauf Freinet qui buvait dans sa chambre, au premier étage. Il buvait autant que les autres, mais caché, d'après ce que racontait Gabin. Et un jour, il y a Yvan de Printemps qui vient rendre visite à Freinet. Alors là, il descend avec les autres, et Yvonne Printemps connaissait un peu Julien Carrette, qui n'arrêtait pas de la draguer en la tutoyant, parce qu'elle connaissait très bien, ce qui choquait beaucoup Freinet. Et Gabin disait, peut-être que Freinet était comme ça dans la vie, mais je pense qu'il continuait de Boieldieu. Et je pense que là, on touche quelque chose chez Renoir, c'est comment il utilise les acteurs pour les mettre dans un contexte avec une gentillesse totale, et qui cette gentillesse finalement est peut-être beaucoup plus rigoureuse et directive que certains cinéastes qui dirigent. Et je me souviens, Jean Collet m'avait raconté, lors d'une interview que vous aviez fait avec Claude Brasseur, après Le Caporal l'épinglé, la différence que faisait Claude Brasseur entre la manière dont Godard, avec qui il venait de faire Bonaparte, travaillait, et Renoir. Oui, il s'était senti très à l'aise avec Renoir, parce que Renoir lui disait toujours « c'est très bien », mais du coup, on se pose des questions quand on vous félicite trop comme ça, d'une manière excessive et sans aucune réserve. Et donc, ça amène à chercher chaque fois à faire mieux. Quoi. Alors que Godard ne disait rien, finalement, il arrivait au même résultat. On n'était pas du tout en sécurité, parce qu'on ne savait pas si ça avait plu à Godard ou pas. Enfin, c'était vraiment deux extrêmes, mais qui se rejoignaient au fond, parce qu'il mettait l'acteur en péril et l'obligeait à se dépasser. Voilà, finalement, moi je pense que je vais dire le mot, mettre l'acteur en péril. Jean Arbony, malgré l'apparence de fluidité, d'être à l'aise des comédiens chez Renoir, est-ce qu'on peut se demander s'il les mettait aussi totalement en péril dans cette situation-là ? Mais il s'est expliqué très clairement là-dessus, enfin à moitié, mais très clairement néanmoins, en disant que finalement, sa façon de jouer avec les acteurs consistait à dire « bon, c'est parfait, mais quelque chose ne va pas dans la lumière, on va la refaire, ou c'était tout à fait exceptionnel, mais je crois que le son n'est pas très bon ». Finalement, les résistances de l'acteur tombaient, et il disait « pour moi, le plus grand triomphe, c'est le moment où l'acteur est persuadé et dira 2 ans plus tard « finalement, cette scène m'est due entièrement, c'est moi qui ai eu toutes les idées, et en fin de compte, c'est moi qui, très souplement, ai réussi à obtenir ça ». Et d'ailleurs, ça se rattache à l'idée de la cavalerie, puisqu'il raconte à un moment... que la technique de quelqu'un qu'il connaissait très bien concernant les chevaux consistait à donner l'impression au cheval que c'était lui qui le menait, alors qu'en fin de compte, le cavalier finissait très souplement par mener le cheval en lui donnant l'impression que c'était lui, cheval, qui dirigeait tout. Mais ce qui est important, je crois, sur les acteurs, c'est non seulement qu'ils ont été marqués, tous ont été marqués, mais ils sont aussi marquants, parce que le film a subi l'influence des acteurs, et de 3 façons différentes, par exemple. Bon, premièrement, dans le premier scénario, il n'y avait le rôle de Rosenthal n'existait pas. Le personnage n'était pas juif, donc ça s'est modifié. Ensuite, le rôle de Stroheim était très mince. Stroheim était arrivé en Europe, déjà avec une aura de cinéaste maudit, ruiné, voulant jouer dans des films. Et finalement, l'arrivée de ce poids lourd, comme dit Renoir, a pesé très très très fort dans l'augmentation du rôle attribué à Stroheim. Non sans difficulté d'ailleurs, puisque Renoir s'est trouvé en face d'un personnage qui avait des conceptions du baraquement militaire extraordinaire. Il voulait des femmes, des prostituées de style viennois, des flagellations. Et Renoir, qui admirait beaucoup Stroheim comme cinéaste, s'est mis à pleurer un jour en disant « Non, cet homme a des clichés puérils qu'il transforme génialement quand il fait ses films, et je ne peux pas faire ça dans mes films. » Ils se sont mis à pleurer dans les bras l'un de l'autre. Renoir a dit « Si ça continue, je vous admire tellement que j'arrête le film. » Et Stroheim lui a dit « Non, maintenant... » Et vous le dirigez. Et Stroheim lui a dit « Non, je vous promets de vous obéir comme un esclave. » Toutes ces choses ont changé. De la même façon, Dalio, la réplique finale, à savoir « je n'ai jamais publierai les Juifs », etc., est due à Dalio. Donc les acteurs sont marqués et les acteurs interviennent également sur le scénario. Mais on peut aussi dire une chose, c'est que Renoir prend des stéréotypes et les renverse complètement. Parce que le personnage de Freinet, Boieldieu, il ne fonctionne pas dans le film comme les personnages que l'on voit dans Légion étrangère de Maurice Glaise à la même époque, ou les personnages comme ça de militaires vertueux, héroïques et tout. Et finalement, peut-être que Freinet au départ joue comme ça, et peu à peu Renoir l'amène à faire autre chose. Gabin, c'est pareil, c'est pas le Gabin de Duvivier, c'est ça au départ, et ça devient autre chose. Alors ça, Jean Collet, est-ce que cette espèce de métamorphose, par rapport au sujet même, je fais un film sur la guerre où on ne verra jamais la guerre, on ne verra toujours que les camps de prisonniers, je fais un film sur le pacifisme où je montre plutôt la réconciliation des êtres que l'idée de faire la paix entre chefs de gouvernement, est-ce que tout ça n'est pas la même méthode ? Je crois que c'est dans la vie que nous sommes des cabotins. Il faut partir de là pour comprendre le travail de Renoir avec les acteurs. Il l'a d'ailleurs très bien exprimé dans le film précédent, dans Les Bas-Fonds, dans une scène célèbre où Jouvet est assis au bord de la Marne avec Gabin, et Jouvet incarne un baron désargenté qui a perdu toute sa fortune au jeu, qui est devenu donc un clochard avec Gabin, qui lui est un voleur. Et Jouvet médite sur tous les emplois qu'il a occupés dans la vie, et donc tous les uniformes dont il a été habillé, affublé, jusqu'à se retrouver en clochard là au bord de la Marne. Mais je vous interromps, mais c'est exactement ce qui se passe quand Stroheim reçoit pour la première fois dans La Grande Illusion les 3 personnages qui sont là, l'historien, Maréchal et Boieldieu, et qu'il dit « comment vous êtes-vous évadé ?» Alors Boieldieu, lui, c'est en se cachant dans des endroits, et par contre, le personnage personnage de Gabin, c'est en se travestissant, y compris en femme, oui. disons, qu'il a essayé oui. de s'évader. Et donc, cette idée de théâtre, soit on se cache et on reste rigide, soit on joue de toutes les palettes et les possibilités de cabotinage humain. Oui, ce que je voulais dire est un peu différent, c'est que la vie sociale nous oblige à prendre des masques. Bon, c'est banal, mais il faut partir de là. C'est-à-dire, le cliché, c'est la vie. La vie est pleine de clichés. Et donc, il faut travailler sur cette matière première pour trouver un peu de vérité. Et cette vérité, qui est finalement l'objet du travail de Renoir, elle apparaît d'une manière fugitive, comme une étincelle, quand on passe d'un masque à l'autre, d'un vêtement à l'autre. Donc, elle est toujours dans une fracture, dans un instant où le personnage perd son quant à soi, perd son assurance et son habit social. Mais il reste malgré tout dans le contexte idéologique où il a été formé. Il y a la longue séquence où il parle des maladies dans La Grande Illusion, le cancer va être une maladie qui va démocratiser et tout ça, mais il dit oui, finalement, il n'y a que les guerres pour mettre les microbes au même niveau et sur les mêmes gens. Mais profondément, Boieldieu reste Boieldieu, Maréchal reste Maréchal, Rosenthal reste Rosenthal. Oui, mais comme disait bien Jean Arboni tout à l'heure, il y a une discrète ironie. Chaque fois qu'un personnage parle au nom de sa classe ou en fonction de sa classe, on n'y croit pas tout à fait, on ne peut pas y croire tout à fait. Jean Arboni. Oui, mais ce qui est important, c'est le Renoir, bon, on n'évite pas le cliché. Il part du cliché et il le démonte. Et il est évident que, aussi bien pour Pierre Freinet que pour Stroheim, il est parti de leur image de marque, d'une certaine façon. Alors, sur De Boieldieu, je crois qu'on n'a jamais dit aussi bien que Cocteau, que je citais de mémoire, là, donc très mal, quand il dit, bon, ce personnage raide, pète sec, cet officier sans humour, etc., dans la scène finale, en train de jouer de la flûte pour détourner l'attention sous les projecteurs blancs de l'armée allemande, se transforme en un berger de Watteau. Bon, ouais, ça, c'est superbe. Bon, et pour Stroheim, même chose. Renoir, ne pouvant pas éliminer absolument l'image de marque de Stroheim, on a rajouté, et la raideur, il l'a augmenté, nucrède, uniforme chamarré, emphase, gants blancs, rhétorique, etc. Donc il traite le cliché. Oui, et justement, il y a le théâtre tout le temps, en fin de compte, chez Renoir, et l'importance du théâtre, qui est une sorte de l'histoire mise en théâtre, ça fait une sorte de dérision, le réel et la fiction dans La Grande Illusion, ça disparaît très vite, il y a un autre élément qui est peut-être la réalité, qui n'a plus rien à voir avec ces choses-là, où commence le théâtre, où finit la vie, qui est comme la grande phrase de Renoir, et tout est théâtre dans ce film, la façon dont ils font les spectacles, les évasions, leur rapport avec les gens, et je crois qu'il y a la séquence du théâtre, quand elle vient elle-même dans le film, va être également déchirée par un élément de réalité qui est, disons, on a repris de Womont. Oui. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'à ce moment-là, le théâtre continue malgré tout, parce que la séquence que nous allons écouter le son maintenant, il y a les Anglais en travesti qui chantaient et tout, et celui qui chantait le solo, qui est arrêté par Gabin qui dit cela, enlève sa perruque. Donc redevient il était déguisé un homme, voilà, un homme, un militaire totalement, et demande la Marseillaise, qui n'est pas son chant à lui, bien qu'il soit allié dans cette guerre, et la Marseillaise arrive, et moi, je soupçonne que finalement, ça continue le théâtre, la façon dont la Marseillaise est chantée, non? Ah non, mais c'est tout à fait, enfin c'est formidable, parce que cette scène-là, on l'aurait lu dans le scénario, on aurait dit, ça va faire rigoler, c'est pas possible. Cet Anglais travesti en femme, qui tout à coup ôte sa perruque, parce qu'on a... Alors qu'il est en plein burlesque, en plus. La reprise de Douaumont par les Français, et qui entonne la Marseillaise, et on le voit en plan rapproché, en train de chanter la Marseillaise, avec sa dégaine de travesti. Et on ne rit pas. Personne n'a jamais ri sur ce passage. Au contraire, c'est un passage de très grande et très profonde émotion. Nous allons en écouter la bande sonore tout de suite, donc, de cette séquence qui commence par Carrette en train de chanter Marguerite. Connaissez-vous Marguerite, une femme ni grande ni petite, qui a les yeux trop blancs, un arrosé blanc, une petite bouche d'enfant? Et bien cette beauté suprême, quand le billet dit je t'aime, m'a donné des fleurs, petit Montmartre, je me verrai ton bonheur. Je lui dis merci du beauté, mais fais-moi ça et il faudrait, si tu veux, faire mon bonheur. Marguerite, si tu veux, faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. le soir même sous sa fenêtre, j'allais pour la voir paraître. Je suis malheureux, car mes malicieux ont mis le moteur en feu. Alors elle, par bonté d'âme, m'envoie pour éteindre ma flamme. Vincent, vivement, et puis gentiment, elle est heureux maintenant. J'ai dit merci pour son nom, mais c'est moi ça qu'il me faut. Si tu veux faire mon bonheur, Marjorie, Oui, c'est une séance étonnante que cette séquence, où vraiment tout se passe comme un cérémonial, tout se passe comme une clé de toute l'œuvre de Renoir, et pas seulement de la grande illusion. Mais j'aimerais surtout que l'on reste sur cet élément qui est le son, quelques instants, car le son chez Renoir et dans la grande illusion, c'est absolument étonnant. La grande illusion comme film est due à un problème de son. Parce que si on fait la genèse du film, il faut rappeler comment il s'est monté. Renoir était en train de tourner Tony. Et à l'encontre de tout ce qui se faisait dans le cinéma à l'époque, il tenait absolument au son direct. Et à partir du moment où il a commencé à tourner, des avions tournaient sans arrêt au-dessus de l'endroit et empêchaient une bonne prise de son et troublaient le tournage. Renoir est allé voir les autorités militaires à côté en leur demandant de bien vouloir arrêter les vols d'avions au-dessus de l'endroit où se tournait Tony. Et il est tombé sur le général du camp qui était l'ex-adjudant Pinsard, qui, au cours de la guerre 14-18, avait sauvé la vie de Renoir, qui était pilote de chasse d'observation, poursuivi par un avion allemand. Et l'adjudant Pinsard, sur un avion français, avait abattu l'avion allemand et donc sauvé la vie de Renoir. Ils se sont vus donc régulièrement pendant le tournage de Tony, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et c'est pendant ces repas que l'adjudant Pinsard a expliqué qu'il avait été abattu cette fois, qu'il s'en était tiré cette fois, qu'il s'était évadé cette fois, et c'est à partir de ça qu'est née la grande illusion. Donc c'est assez drôle que la grande illusion vienne déjà d'un problème d'exactitude du son. Oui. Mais je trouve en effet que cette anecdote est exemplaire, et on pourrait rêver à partir d'elle et faire l'éloge du Parasite. Au fond, Renoir était gêné dans le tournage de Tony parce que le son était parasité. Et si on écoute cette scène, ce qui l'a fait fonctionner, ce qui l'a fait avancer, c'est que à partir d'un rituel qui est celui de la fête, on va chanter un certain nombre de choses, il y a des chansons qui sont programmées, à chaque instant, on va injecter un parasite, il va y avoir un accident qui brise ce projet et qui donc le détourne. Et évidemment, le paroxysme, c'est l'arrivée de Gabin qui vient de lire les nouvelles et qui dit « arrêtez, on a repris Douaumont ». Mais je crois, il n'y a jamais de théorie chez Renoir, mais il y a des trucs professionnels. Et ça, le sens de la fécondité du parasite et de l'accident, enfin, qui rejoindrait Cocteau, c'est quelque chose qui est très fort. Parce qu'au fond, ça va contre tous nos projets, contre les intentions, contre les idées. Ça casse quelque chose et ça fait surgir un peu de vie et de vérité. Avec un travail sur la structure des films tout à fait étonnante, car il annonce toujours auparavant qu'il va se passer un accident ou une déviation. Je veux dire que la séquence du travesti qui va enlever sa perruque pour chanter la Marseillaise, qui annonce le fait que Gabin dira à Stroheim qu'il s'est déguisé en femme pour essayer de s'évader, est déjà annoncé par le moment où il demande à l'un d'eux, avant la présentation, de s'habiller en femme pour voir. Bon, et dans le son, c'est pareil. La séquence qui précède juste celle qu'on vient d'entendre, il y a des fifres qui jouent et des gens qui marchent, et il y a Gaston Modeau qui dit « les fifres, ça fait quand même quelque chose ». Il dit « oh, c'est pas ça », dit Gabin, « c'est le bruit des pas ». Et à chaque fois, pour annoncer « attention, faites attention au son maintenant, il va être important aussi ». C'est peut-être inconscient chez Renoir, mais une espèce de volonté toujours, il y a toujours le côté double chez Renoir, je veux dire, il y a un élément de miroir qui joue sans arrêt tout le long des films, on le sait, mais le son également a une fonction dans ce sens, et qu'il est très rare que le son soit une surprise totale, c'est un accident qu'on accepte et qui nous prend chez Renoir parce qu'il est annoncé d'une autre manière, quelque part. Et sur les ruptures d'accident, il y a le moment de silence au début du film. Le film, vous rappelez, commence par Froufrou, fredonné par Gabin, qui part en mission d'observation avec Freinet. L'avion est descendu, on ne le voit pas être descendu. Ils sont invités à manger par Stroheim, qui à l'époque n'est pas encore blessé. Et il y a un silence à un moment, parce que il y a la couronne mortuaire d'un officier français mort, auquel rend hommage Stroheim. Et là, le repas pourrait reprendre normalement, et Renoir montre bien que tout va se passer sur la répétition, deuxième rupture, on les emmène en camp. Et cela est autant fait par le son, par le silence dans le son, que par le bruit du vent, que par le bruit des pas, que par le bruit des fifres. Et le son va jouer tout le temps dans l'idée de théâtre également, car rappelez-vous, on s'évadera grâce à un travail sonore qui est d'abord joué avec des pipeaux. Les pipeaux sont supprimés, les flûtes sont supprimées, et à partir de là, on fera du vacarme de nouveau pour attirer par le son les gens à être mis dans la cour et à fuir. Donc tout cela est très, pas codifié, mais est très structuré et très très fort. Et le côté artisan de Renoir ne veut pas dire que c'est l'improvisation permanente. Bien sûr, bien sûr. Non, il s'agit d'intégrer justement le hasard et la surprise pour en faire une œuvre d'art, bien sûr. Et le son, d'ailleurs, est un élément de théâtre chez Renoir, parce que finalement, on peut dire qu'il y a toujours une théâtralisation, parce que où commence le théâtre, où finit la vie, à partir du moment où un son est reconnaissable ou ne l'est pas. Alors sur cette grande phrase de Renoir, où commence le théâtre, où finit la vie, qui est reprise dans la synthèse du film là-dessus, la première synthèse, il y en a eu deux, il y a le petit adjoint Renoir à la fin, mais il y a eu le carrosse d'or. Mais déjà dans La Grande Illusion, c'est complètement inscrit là-dessus, écrit là-dessus. Vous n'êtes pas d'accord, Narboni? Absolument. Moi, je crois qu'on a très souvent parler de cet aspect dont je ne m'attarderai pas sur la problématique essentielle du cinéma de Renoir, à savoir la théâtralisation de la vie et le documentaire sur le théâtre et le passage de l'un à l'autre avec la fameuse question de Camilla dans Le Carrosse d'or, où ça commence et où ça finit. Mais le film s'appelle La Grande Illusion et on s'est beaucoup interrogé pour savoir, le titre a été donné très tard. Les exégètes ont toujours dit qu'est-ce que c'est la grande illusion? Est-ce que c'est la grande illusion selon laquelle la guerre sera la dernière, elle ne sera pas la dernière? Est-ce que c'est l'illusion selon laquelle dans la guerre les gens seront unis au-delà des classes et vont finalement rester amis après? Mais non. Il y a la grande illusion comme quelque chose de dénoncé par le film. Ou l'idée d'évasion. Mais il y a aussi la grande illusion comme positivité chez Renoir. C'est-à-dire qu'il y a la guerre comme théâtre, Viriot a écrit beaucoup de choses là-dessus, le théâtre comme guerre, il y a cet univers artificiel recréé, il y a ces fêtes données à l'intérieur, et sur ce plan, le terme de grande illusion ne doit pas être lu uniquement, je suis sûr, dans l'esprit de Renoir, comme péjoratif, mais aussi comme quelque chose qui serait une sorte de grande fiction aussi, qui est son thème essentiel. Et le film est entièrement traversé par cette idée de théâtralisation, avec le moment central qu'on a entendu, qui est celui où réellement là, le théâtre intervient. Et on peut peut-être dire aussi que la grande illusion, c'est peut-être de penser que, contrairement au théâtre, le cinéma peut être la vie. Absolument. Et là, c'est un des grands thèmes. Mais d'ailleurs, on a retrouvé également, on a retrouvé beaucoup de choses, un petit Bobino à Lina, où Renoir parle du théâtre, et du théâtre au cinéma, et c'est un document assez rare. Le théâtre est un moyen d'expression qui peut donner plus de liberté à l'auteur, je ne dis pas à l'acteur, mais à l'auteur, que le cinéma. Le cinéma est moins libre que le théâtre parce que le cinéma, précisément, est libre. Ça a l'air d'un paradoxe, mais ça n'en est pas un. Le fait qu'au cinéma, au lieu de dire « Ah, tiens, hier, j'ai eu un accident d'automobile », on peut montrer cet accident d'automobile. On a un retour en arrière, un fondu enchaîné, et puis on montre un accident d'automobile, c'est l'accident d'automobile dont on parle. On se figure que ça donne une grande liberté et que ça permet de parcourir le monde en rêvassant et en montrant tout ce qui vous tombe sous la caméra. C'est pas vrai du tout. Cela crée des disciplines différentes qui sont également féroces. Par exemple, le fait que vous pouvez tout montrer a plus ou moins directement créé les disciplines du rythme. Remarquez, il y a aussi une discipline du rythme sur la scène. Elle est même impérieuse. Mais la discipline du rythme au cinéma vient non seulement dans le racontage de l'histoire, non seulement dans le jeu et le rythme des acteurs, mais vient dans une espèce de forme de pensée, une forme de pensée rapide qui fait que l'on doit sauter à l'événement suivant avec beaucoup moins de précautions qu'on ne le fait sur la scène, mais précisément les attentes sur la scène permettent au caractère de se développer beaucoup plus facilement qu'au cinéma. D'un autre côté, le cinéma nous donne une chose incomparable que ne peut pas nous donner le théâtre, c'est l'approche de l'interprète. Le cinéma, à mon avis, est grand à cause du gros plan. Quand le gros plan est justifié, un gros plan non justifié est odieux, c'est insupportable. Mais un gros plan justifié, un gros plan qui nous renseigne sur ce qui se passe à l'intérieur du corps de l'acteur, qui nous renseigne sur son esprit, sur son âme, alors là, ça vaut toutes les pièces de théâtre. Illusion a aussi eu des problèmes de censure très fréquents et de tous les temps. On sait par exemple que Goebbels avait refusé que le film passe en Allemagne. On sait qu'au Festival de Venise, Mussolini avait voulu boycotter le film, qui avait eu non pas le prix principal, mais un autre prix qu'on avait créé spécialement. On sait également que certains disaient que c'était un film antisémite, d'autres un film pro-sémite, et tous ces problèmes existaient. Et il y a une séquence du film où, finalement, dans ce film, on ne voit jamais la guerre directement, et donc on ne voit jamais la haine. La haine n'intervient que d'une manière exaspérée. Ni la violence. On ne voit jamais la violence. Ni la violence, Jean-Claude, vous avez raison. Et la haine n'intervient que d'une manière, dans l'exaspération, lorsque Dalliot et Gabin sont dans la montagne, s'insulte, et là, pour la première fois, alors qu'avant il y avait des allusions, disons, sur les nous, les juifs, nous sommes ceci, cela, il y a le mot sale juif qui est dit, nous allons entendre cette séquence. Alors tu viens, quoi ? Est-ce que je peux ? cavale avec ton pied. J'ai glissé. À ma faute, j'ai glissé. Ouais, t'as glissé. On le sait que t'as glissé. Mais si on s'apoirait à traîner comme ça, t'iras leur raconter que c'est parce que t'as glissé, hein. Mal à loi, là. On n'a même plus rien à bouffer, alors autant se prendre tout de suite. Oh, volontiers, parce que moi aussi, j'en ai marre. Ah, c'est moi, là. Marre, j'en ai marre. Si tu savais comme je te déteste. Je te jure que je te rends bien, là. Veux-tu que je te dise ce que t'es pour moi un colis, t'entends? Un véritable colis. Un boulet que je traîne aux pieds. Puis d'abord, j'ai jamais pu blairer les juifs, t'entends? Un peu tard pour t'en apercevoir. Les filles, peut-être que t'attends pour t'en aller. T'en très grand. La première fois, tu me le dis deux fois, c'est sûr. Vas-y, fous le camp, dis vite, que je vois plus ta sale trogne. Eh ben oui, fous le camp, t'entends? Et puis dégage-toi dans tout seul, au revoir. Ensuite, hein. Au revoir, jamais. T'as un jour toute une. De moi, je suis content. Il était un petit navire. Qui n'avait jamais navigué. Ahé, ahé. Au bout d'un sac. Ainsi ça mène. Au bout d'un sac. Ainsi ça mène. Les vivres vont à manquer. Pourquoi tu reviens? Allez, viens. Alors, l'ambiguïté de La Grande Illusion sur le problème juif, il faut peut-être en parler, parce qu'on sait que Louis-Ferdinand Céline adorait La Grande Illusion, mais reprochait à Renoir d'avoir fait un film prosémite. Et en fait, cette séquence où le terme « sale juif » est dit, dans le contexte de l'époque, pouvait paraître ambigu à beaucoup de gens, malgré que Renoir avait bien défini auparavant le personnage de Rosenthal quand il expliquait « on nous dit que nous sommes avares, mais en fait ce n'est pas vrai, nous sommes très généreux, mais hélas, Jéhovah nous a donné également le péché d'orgueil ». Et Gabin répond, parce que c'est le pendant de la scène qu'on entend, « moi Jéhovah, j'en ai rien à foutre, ce qui compte c'est que t'es mon copain, et puis t'es un copain, et puis t'es un mec bien ». Alors, sur le problème juif, Renoir. Renoir s'est expliqué sur le tournage de cette scène, et je voudrais lui donner la parole. Et d'abord, elle a été tournée en décor naturel, c'est évident. Il y a le vent, il y a l'espace, il y a la gadoue, la neige fondue. Et on sent d'ailleurs la présence du sang direct. Et voilà ce qu'il dit. Il faisait un froid affreux, les vêtements des acteurs étaient trempés de boue, c'était le comble de l'inconfort. J'étais très fier de la scène que j'avais écrite. Hélas, quand nous commençâmes à répéter, les acteurs s'avérèrent incapables de dire leur texte. L'épreuve physique à laquelle je les soumettais les paralysait. Il fallut renoncer à ma scène sur laquelle je comptais tant. Pour réfléchir à la situation, nous allâmes nous réfugier dans une maison perdue dans ce désert. Au bout de quelque temps, l'un de nous, je ne me souviens plus lequel, suggéra de remplacer mon texte par la chanson du petit navire, dite avec des expressions différentes. Cette chanson avait fourni le son d'une scène précédente et était symbolique de l'évasion. Et elle était chantée et jouée... Quand Pierre Freinet permet à Gabin et à Dalio de s'évader. Les résultats furent splendides. Le décor avait gagné. En réalité, tout le monde avait gagné. Au cinéma, il n'y a pas de beau décor, ni de belles photographies, ni de grands acteurs, ni de mise en scène géniale qui puisse exister tout seul. Tout ceci se concentre en un tout. Ça, c'est dans Ma vie et mes films, chez Flammarion, de Jean Renoir. Mais pour revenir donc... Et je crois que c'est d'ailleurs Dalio qui a proposé que le terme sale juif soit dit. Je ne sais pas, mais c'est... Oui, parce qu'au début, la scène était... C'est très curieux, parce que je sais pas si c'était inconsciemment une scène christique au début. Je crois que Dalio avait mal aux pieds et Gabin s'agenouillait et lui massait, lui lavait les pieds. Dalio a dit non, ça se passerait pas du tout comme ça, il faut absolument que ça change. Il a proposé donc l'intervention de la poussée. Antisémite de Gabin, qui rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu récemment les propos de Yankelevitch, qui racontait que dans la résistance, des gens avec qui il combattait, à certains moments, le traité de sale juif, puis s'effondrer en pleurant, et dit, mais j'avais tout de même entendu cela. Est-ce que ce n'est pas le réflexe du code de l'époque? Parce qu'à l'époque, il faut bien dire, le contexte antisémite était tel qu'il était impossible de ne pas passer par cela à un moment. Mais ça, ça fait partie de ces éléments de vérité qu'on ne voit que dans les films de Renoir. Enfin, qui sont très rares dans le cinéma parce qu'il y a tellement de censure, d'auto-censure, on évite de dire ces choses qui paraissent gênantes. Et moi, ce qui me fascine dans cette séquence, c'est que Gabin, qui est bien montré comme un prolo, Ah, peut-être un prolo d'une certaine... Enfin, un prolo, un homme du peuple. Oui. Un homme, disons, à tendance de gauche vraiment bien marqué également. C'est lui qui va lancer le mot salle juif. Et non pas, comme on aurait pu l'attendre tout le long du film, Boieldieu. Qui aurait dit israélite, d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est très, très étonnant. Parce qu'on se rend compte que le racisme n'est pas l'apanage des classes qui luttent l'une contre l'autre, mais bien autre chose. Et que le racisme est un réflexe entretenu, peut-être. Et dans l'idéologie de l'époque 36-37, moi, j'aimerais qu'on essaie de situer la grande illusion dans cette idéologie-là. Jean Arbony, y compris dans l'aspect antisémite et dans l'aspect, disons, Front populaire et tout cela. Oui, bon, pour ce qui est de le problème de l'antisémitisme, bon, il est évident que Renoir a traité la question alors qu'elle infusait les films français. Bon, dans les années 30, on sait qu'il y a eu un nombre extraordinaire de films dans lesquels apparaissaient des personnages juifs. Caricaturés toujours. Caricaturés, soit gentiment, ce qui n'est pas plus excusable sous la forme de personnages typiques, drôlatiques, etc., que d'ailleurs Daliot interprétait très souvent, soit beaucoup plus méchamment caricaturés et de façon non pas implicitement ou diffusément ou pseudo-humoristiquement antisémite, mais assez violemment, toujours lié à l'idée de la finance, de la plutocratie. Compris dans le Schpoutz de Pagnol. Y compris dans le Schpoutz de Pagnol. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, en 1946, dans un article célèbre de l'écran français, Georges Altman a accusé le film d'antisémitisme. Mais c'est un peu le reproche qu'on avait fait, disons, au dictateur de Chaplin, à savoir, bon, on ne peut pas faire rire d'Hitler, parce que maintenant, nous savons que c'est épouvantable. Mais simplement, la guerre était passée. Il est évident qu'en 1945, après ce qu'on avait découvert sur le génocide, les camps, etc., bon, ce qui apparaissait en 1936 dans le film de Renoir prenait une coloration tout à fait différente. Oui, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le personnage de Daliot, après cette séquence, lorsqu'ils arrivent, disons, dans la ferme où ils sont recueillis par Dita Parlo, on comprend ce qu'on ne savait pas avant. Avant, on voyait un homme du monde, un copain avec tout le monde, qui aidait tout le monde. On comprend la culture du personnage également. C'est un homme très cultivé, qui parle plusieurs langues, qui a le sens des valeurs, de se retirer quand il faut et tout. Et là, brusquement, le personnage de Daliot se transforme en autre chose, dans un contexte différent, et on se rend compte d'un respect total de Gabin d'abord, et de Renoir pour lui. Qui anticipe sur le rôle qu'il lui donnera dans la règle du jeu, à savoir, c'est lui le véritable aristocrate. Je crois qu'on est assez clair là-dessus. Mais maintenant, dans l'idéologie 36-37, Renoir, vous l'aviez dit, faisait faire la vie est à nous pour les communistes. Les bas-fonds étaient faits quand même avec la troupe de Pitoëf et le groupe Octobre mélangé qu'il avait repris, disons, du crime de Monsieur Lange. Dans tout ce contexte, Renoir fait la grande illusion, film pacifiste. Est-ce que, à votre avis, dans l'idéologie de 36, cette idée de pacifisme était totale? Il est vrai que des gens comme Eugène Dabit ne voulaient pas aller combattre en guerre d'Espagne en disant, alors qu'il était communiste, cela va créer un conflit mondial si nous nous mettons dans cette affaire-là. On sait tous ces problèmes-là. Et alors, est-ce que Renoir, à ce moment-là, est dans l'air du temps avec un film pacifiste comme La Grande Illusion, ou au contraire, est-ce qu'il crache contre le vent ? C'est très composite, d'abord. Bon, Renoir est absolument indéfinissable, même à son moment le plus violemment engagé politiquement. Il y a toutes sortes de composantes. Bon, il y a un populisme évident, il y a l'intérêt pour les personnages du peuple. Bon, il y a le fait de Tony anticipant le néoréalisme, etc. Il y a le crime de Monsieur Lange. Et il y a quand même de la guerre. Mais c'est très compliqué, parce que au début, on a parlé de cet aspect pacifiste, c'est-à-dire des gens qui disaient plus jamais de guerre. Mais il est évident que ce pacifisme, c'est-à-dire cette haine de la guerre en soi, ne se confondait pas du tout avec un pacifisme, lui, de type fasciste, qui disait pas de guerre contre Hitler. Attention, ça n'est pas du tout un film prémunichois. Ça, c'est très important, parce qu'il y avait deux sortes de pacifisme. Celui massivement des gens qui disaient plus de guerre, et qui peut-être ne voyaient pas qu'elle était inévitable, et même qu'il fallait la faire contre Hitler, et d'autres gens qui savaient très bien que cette guerre était contre Hitler et qui ne voulaient pas la faire parce qu'ils avaient des sympathies pour le régime. Ça, c'est déjà très très important comme nuance, je crois. Jean Collet. Oui, Jean Renoir a pu croire à cette époque-là que le cinéma était capable d'une certaine influence, et peut-être même d'une influence politique. Mais je crois qu'il a vite perdu cette grande illusion, parmi d'autres. Et plus tard, il l'a dit très clairement, je crois que le cinéma est capable d'influencer les mœurs, qui est tout autre chose, hein, donc une influence beaucoup plus souterraine et plus profonde et sans doute impalpable, mais absolument pas d'avoir une influence directe et politique. Il a dit, la preuve, c'est que la guerre a eu lieu, malgré le succès de mon film, il n'a absolument rien empêché. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'après La Grande Illusion, il y a eu beaucoup de films pacifistes faits dans le monde entier, parce que La Grande Illusion était un succès, il y en a eu plein, et ça n'a pas empêché la guerre d'éclater, d'ailleurs. Ce qui veut dire que le meilleur sujet du monde, le meilleur traitement du monde, ne changera pas l'ordre des choses et l'ordre établi par les gouvernements et par les puissances d'argent, parce que on est obligé de parler de cela. Et ce qui est très curieux, c'est que, vous avez raison, il croyait au grand sujet à l'époque. Peut-être que le fait d'avoir fait La vie est à nous l'avait mis dans un contexte, il s'est mis à travailler dans certains journaux, il a annoncé des grandes choses et tout. Et il a cette idée tout à fait folle de dire « La Marseillaise, c'est l'hymne national ». La Révolution française, c'est le peuple qui l'a faite. Donc, le peuple doit aider à faire un film qui va montrer cela. Et là, il est de nouveau complètement dans les médias pour arriver à faire La Marseillaise, qu'il estimait comme un complément de La Grande Illusion à l'époque, ne l'oublions pas. Pour lui, c'était le complément, la continuation. Il y avait, comme, si vous voulez, les bas-fonds et que le silence, c'était un peu autre chose. Mais La vie est à nous, qui est un film qu'il n'a pas vraiment renié, mais enfin, qui a été un peu mis sur le côté pour beaucoup de raisons que l'on connaît après la guerre. Mais La vie est à nous, La Grande Illusion et La Marseillaise, dans son esprit, avait une sorte de triptyque pour traiter les choses. En quelque sorte, c'était le présent, le passé proche qui pouvait redevenir réalité, et le passé pour se rappeler des choses. Et là, nous allons écouter une archive d'un état très médiocre qui date de l'époque de 37, que nous avons retrouvé, qui est une réunion où l'on demande de l'argent pour La Grande Illusion. Et parmi les divers orateurs que nous allons entendre, il y a également Jean-Paul Dreyfus, c'est-à-dire Jean-Paul Le Chanois, et Germaine Dulac, et Jean Renoir lui-même. Mais je préviens que la qualité sonore est assez médiocre. Camarades, je viens d'apporter au comité de coordination du film, avant notre ami Léo Lagrange, ministre socialiste du gouvernement Front Populaire, le salut fraternel et cordial du Parti Socialiste. Camarades, je voudrais dire tout d'abord, au nom de Ciné-Liberté, est-ce besoin seulement de dire que notre association apporte tout l'enthousiasme de ses adhérents à la grande réalisation que prépare notre ami Jean Renoir, le film sur la Révolution de 89. Un exemple très net, celui-ci. Jean Renoir avait apporté à Ciné-Liberté son projet de film sur la Révolution. Nous l'avons naturellement accepté d'enthousiasme, mais nous avons pensé, et vous êtes tous d'accord avec nous, que ce film ne peut pas être le film une organisation d'un parti ou d'un groupement, et qui doit être le film du peuple de France. C'est pourquoi nous avons apporté ce film au comité de coordination du film qui va le réaliser maintenant, et je crois qu'il n'est pas utile de donner d'autres preuves de notre attachement à l'unité et à la collaboration la plus fraternelle. Voici maintenant Germaine Dulac. Jean Renoir, le réalisateur du film, qui s'avance. Un tonnerre d'applaudissements souligne son apparition. Mes chers camarades, partout de l'accueil, je vois que l'idée du film vous plaît. Et qu'elle est française. Notre film plaira, il doit plaire. Ah, il se passe une chose très ennuyeuse, mes chers auditeurs, c'est que tout en parlant, Jean Renoir n'arrête pas de se promener, ce qui est une très mauvaise chose pour nous et pour notre microphone. Enfin, nous allons essayer tout de même de vous donner quelques extraits un peu meilleurs de son exposé passionnant. Vous avez par exemple un chant dans le Nord qui est un très joli chant. C'est le petit quinquin. Un chant est passionnant. Eh bien, écoutez, tous les gars de Schnorr sont très contents quand ils entendent le petit quinquin. Pourtant, le petit quinquin, pendant la guerre, a été utilisé d'une façon absolument militaire et odieuse. Bah, puis la guerre a été finie, puis on a repris le petit quinquin, et puis voilà. Bon, je vous dis tout ça pour vous dire qu'au fond, tout ça, nous nous en moquons, ça n'a aucune importance. Une petite chose en passant, si ce film a du succès, il est évident que les camarades qui fabriquent ça n'en font pas une question de profit personnel. Et les actionnaires ne pensent pas toucher des dividendes comme la filière du chanson, comme au canal de Suez. Alors qu'est-ce qu'on fera avec cette galette qui rentrera? Eh bien, on fera des films. Et si ce succès existe, cela donnera à d'autres gens l'idée d'entreprendre, de faire des initiatives. On fera des films, on en fera de plus en plus. Et cela aidera probablement à résorber le chômage. Et n'oublions pas, camarades, que c'est un de nos principaux objectifs. Oui, alors Renoir militant, Renoir demandant de l'argent pour faire la Marseillaise. Et dans ce contexte, cette époque, il ne faut pas oublier que certains ont dit, et on dit même après, que La Grande Illusion était un film communiste et ont insisté sur cette donnée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à la vision du film, et en oubliant un petit peu, disons, des raisons peut-être personnelles de gens d'attaquer Renoir de communiste parce qu'il avait fait La Vie est à nous avec le Parti communiste français, est-ce qu'on peut dire que La Grande Illusion est un film communiste? Jean Arboni. Non, d'abord parce que, comme Colette l'a dit au début, les ismes comme mot final sont complètement antipathiques avec le cinéma de Renoir, même si sa personne à ce moment-là était, comme on le voit ici, extrêmement engagée dans le mouvement du Front Populaire et à un moment très proche du Parti Communiste. Au départ, si l'on croit Charles Pack, au départ, il semblait que la question de la différence de classe, c'est-à-dire l'idée fondamentale du film, celle que Renoir a expliquée, à savoir le monde ne se divise pas horizontalement en nations, mais se divise, plutôt se divise pas verticalement en nation, mais horizontalement en classe. Bon, c'était, selon Charles Pack, l'idée de base. Donc, une idée, finalement, d'opposition entre classes sociales. Spack pense que sous l'influence des influences multiples, cet aspect s'est trouvé édulcoré, au point même, dit-il, je cite, que Renoir avait failli retirer son nom au moment de la sortie de La Grande Illusion du film, pensant que cet aspect dur avait disparu. Mais néanmoins, bon, le travail cinématographique de Renoir finit toujours par déjouer ou par excéder ou par compliquer ces données de base. Il y a même une chose qui reste dans le film, qui est indirectement cela, c'est quand Dalio dit « Bien sûr, on voit pas la frontière. La frontière, c'est l'invention des hommes. La nature, elle s'en fout. » Absolument. Voilà, c'est ça. Absolument. Bon, il faut pas non plus oublier cette contradiction que Renoir décrivait chez son père dans son livre sur Auguste Renoir et qui est la sienne propre, à savoir un mélange de conservatisme et de progressisme qui fait à la fois qu'on trouvera dans la Marseillaise, bon, à la fois l'amour du petit peuple et puis une sorte de fascination nostalgique contre les classes déclinantes qui sont la noblesse ou qui sont bon les hobereaux, etc., ce qu'on voit dans La Grande Illusion. Mais est-ce que l'on peut dire par contre ce qui a souvent été dit de Renoir? Est-ce que La Grande Illusion est un film humaniste? Moi, je méfie un peu de cette donnée, personnellement. Jean Collet. Oui, moi, enfin, les mots arnisme, je comprends pas bien. Donc, laissons. Non, mais ça a été déclaré très souvent. Lorsque le film est sorti plusieurs fois, le chef-d'œuvre de l'humanisme et tout cela, donné comme une notion tout à fait claire et définie et un petit peu, disons, restrictive. Non, justement, tout ça n'est pas clair et ne peut qu'engendrer des malentendus. Ce qui intéresse Renoir, ce sont les êtres humains. Quand il cite très souvent Pascal, je crois que là, on y voit un petit peu plus clair. Ce qui intéresse l'homme, c'est l'homme. C'est de montrer des êtres vivants, à la fois dans ce qui les désunit dans leur haine, dans la séquence qu'on a vue entre Dalio et Gabin, et dans ce qui les rapproche, dans ce qui les fait communier, les fait s'aimer. Mais au-delà de toute idéologie, de toute morale, de toute idée préétablie. Et je crois qu'à ce moment de son œuvre, où Renoir est certainement le plus engagé, le plus militant, c'est vrai, je crois qu'il faut pas oublier ça, il reste d'abord un artiste, et on ne peut être un artiste que si on est juste, si on est équitable, si on traverse les intentions, les idées et les jugements sur des personnages ou ce qu'ils représentent ou leur statut social pour s'intéresser à ce qu'ils vivent, Je voudrais ici citer quelqu'un qui est très proche de la grande illusion, c'est l'écrivain allemand Ernst Jünger. Il a une définition du style qui est étonnante. Voilà ce qu'il dit. Le style se fonde en dernière analyse sur la justice. Seul l'homme juste peut aussi savoir comment on doit peser le mot, la phrase. Il faudrait ajouter ici les images. Oui, mais alors, il y a une chose aussi, c'est que la seule définition idéologique de son film que Renoir aimait, c'était celle qu'a donnée Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt a dit, tous les vrais démocrates du monde devraient voir la grande illusion. Voilà, je crois que c'est ce qui va dans votre sens, Jean Collet. Absolument. Et ça, il va le montrer justement dans La Marseillaise, dans le film suivant. Il s'agit de traiter les débuts de la Révolution française, donc un moment où la France va être profondément déchirée, et je crois que depuis cette date, elle l'est. Enfin, c'est une déchirure qui nous marque encore. Bon. Or, ce qu'il va montrer, lui, peut-être à son insu, peut-être c'est son inconscient là qui parle, c'est que tout le monde a ses raisons. Il va traiter, par exemple, Louis XVI d'une manière tout à fait inattendue, choquante pour certains, parce que c'est un personnage qui est extrêmement sympathique, attachant. C'est la continuation, d'ailleurs, de la Grande Illusion, complètement, où les Allemands ne sont pas montrés... Le seul Allemand qui est montré un peu méchamment, si j'ai un bon souvenir dans la Grande Illusion, c'est celui qui dit « Moi, je sais comment les dresser, j'ai été instituteur. » Comme si c'était, disons, qu'il y avait toujours des petits chefs partout et que Hitler n'était pas le seul problème dans l'humanité, au niveau du quotidien, et qu'il y avait toujours quelque part des gens qui avaient ce désir de pouvoir et de puissance. Alors, moi, il y a une chose aussi qui m'a toujours choqué, c'est que La Grande Illusion a été le grand succès de Renoir. Ça a été, et c'est encore son plus grand succès. Oui. À cause de beaucoup d'échecs, il faut rappeler tout de même que l'œuvre de Renoir a été peuplée d'échecs. D'échecs commerciaux, je ne dirais pas artistiques. Bien sûr, bien sûr. Et alors, il y a une chose qui est curieuse, c'est que pour certains, ils disent « Mais La Grande Illusion, c'est le seul film, c'est le meilleur film de Renoir », et d'autres disent au contraire « C'est le plus mauvais film de Renoir, et c'est pas normal ». Alors moi, j'aimerais bien que pour conclure cette émission, nous essayons de voir où nous en sommes, nous trois, vu que nous sommes trois critiques de cinéma, trois admirateurs de Renoir. Est-ce que, Jean Larbonnie, vous considérez La Grande Illusion comme le meilleur ou le moins bon, non pas comme la langue chez les hommes, enfin, le meilleur ou le moins bon film de Renoir? Non, ni l'un ni l'autre. Alors, je pense pas que ce soit le film le moins réussi de Renoir, mais je lui préfère d'autres films. Bon, La Règle du jeu, par exemple, et plusieurs autres. Cela dit, on peut comprendre pourquoi le film a... souvent, ironiquement, les gens qui n'aiment pas La Grande Illusion disent que c'est le film que les Renoiriens n'aiment pas. Les vrais Renoiriens n'aiment pas La Grande Illusion. C'est un très beau film. Et je crois que Truffaut avait donné une bonne explication de ce... Bon, Truffaut expliquait que Renoir privilégiait toujours les personnages sur les situations, et donc, très souvent, le public était désorienté, etc. Or, là, la situation était forte d'emblée. C'est-à-dire, bon, un camp militaire, deux camps militaires, la guerre, etc. D'une certaine façon, il avait presque plus à s'en occuper. C'est-à-dire que sur ce plan, c'était acquis du point de vue du public, et il a pu travailler sur les personnages, ce qui fait que pour une fois, le public a eu à la fois la situation donnée par le scénario et d'autre part les personnages. Et c'est peut-être une des raisons, je donne l'explication de Truffaut comme telle, qui a expliqué le succès du film. Personnellement, je trouve que dans l'ensemble, c'est un très beau film, que bon, les scènes qui ont été décrites, là, les grands moments forts sont extraordinaires. Peut-être deux ou trois moments entre Freinet et Stroheim me laissent un peu plus réservé. Des moments où le travail sur le cliché des deux de la part de Renoir va pas aussi loin dans certaines scènes que dans d'autres. Et comme par hasard, c'est les séquences où on entend de la musique derrière. Oui. Alors que d'ordinaire, la musique chez Renoir arrive rarement derrière d'une manière illustrative. N'est-ce pas, Jean Collet ? Oui, moi, je me refuse à faire des classements à l'intérieur d'une œuvre ou en général. Il y a deux sortes de films. Pour moi, il y a ceux qui atteignent un certain seuil de qualité et donc qui accèdent à l'œuvre d'art. Et puis, il y a ceux qui sont au-dessous de ce seuil. Mais il est bien évident que la Grande Illusion est un film très important dans l'œuvre de Renoir. Et là, je voudrais ajouter, Renoir avait horreur de la perfection. C'est un mot qui le dégoûtait. Et qu'une œuvre d'art soit parfaite, c'était quelque chose qui était répugnant pour lui, parce qu'il préférait des défauts qui étaient moteurs, des défauts qui portaient l'œuvre. Et je pense qu'en effet, La Grande Illusion n'est pas un film parfait. Mais justement, c'est plus qu'un film parfait, c'est un film vivant. C'est un film qui bouge. Oui, mais moi, je pense qu'un des grands problèmes qui s'est posé avec le film, c'est que beaucoup de gens voulaient voir un film pacifiste, un film sur les camps de prisonniers, tout cela. Et je crois, et là-dessus, je pense que nous sommes tous d'accord, c'est avant tout un film de Renoir, dans la thématique de Renoir, dans le travail de Renoir sur l'être humain. Et que, à partir du moment où ce film est montré comme étant la preuve de la volonté de ne pas faire la guerre. Ça, on est à côté complètement du sujet. Et d'ailleurs, Renoir définit lui précisément la manière dont il travaille, et je crois qu'elle recoupe tout ce que nous venons de dire. Nous allons écouter pour conclure la voix de Jean Renoir. Je crois qu'on a en soi des convictions très profondes, et ces convictions, si on ne les a pas, c'est pas la peine d'essayer de faire des films, ou d'essayer d'écrire, ou d'essayer de faire de la musique. Je crois qu'il faut d'abord être mu par une espèce de foi. Autrement, il faut qu'on ait extrêmement envie de dire ce à quoi l'on croit et de faire partager sa croyance à d'autres. Sinon, c'est pas la peine. Ce qui est très curieux, c'est que le thème de cette croyance, ou la teneur de cette croyance secrète, est secrète souvent même pour vous-même. Vous ne le découvrez que par le travail. Je puis dire, sans me tromper, par exemple, que le vrai sens de la grande illusion, à savoir la croyance, ma croyance profonde en une division du monde, non pas verticalement, non pas en nations, mais horizontalement, c'est-à-dire en tournure d'esprit, en nature humaine, et surtout en profession. Je crois beaucoup aux professions. La division du monde de cette façon, qui est un des thèmes de la grande illusion, il m'est apparu que j'avais travaillé dans ce sens-là que lorsque le film a été terminé, peut-être même lorsque je l'ai vu avec du public. Et ce sont les réactions du public qui m'ont indiqué ce que j'avais voulu dire. La grande chose est de partir sans vouloir formuler le message, je crois. Je crois qu'il faut attendre que le message se formule tout seul. Ou plutôt qu'il se formule malgré vous. Il faut se sentir tiré par la main, par votre foi, et non pas partir de la foi pour tirer à vous d'autres choses. Autrement dit, il faut être influençable. Personnellement, j'essaie d'être influençable. J'essaie de voir les hommes, de voir la vie, d'en prendre ce que je puis, et de le traduire. Au départ, lorsque j'ai commencé le cinéma, je croyais évidemment à un cinéma entièrement transposé. Je ne croyais pas à un cinéma réaliste. J'avais la conviction que l'écran était une espèce de scène de la comédie italienne dans laquelle des personnages jouaient leur rôle, mais sans souci de représenter la vérité extérieure. Puis un beau jour, je me suis aperçu que cette vérité extérieure m'était bien commode. Je me suis aperçu que par la vérité extérieure, si vous voulez, par l'aspect véritable d'un monsieur qui marche dans la rue, ou d'un ouvrier plombier qui répare une salle de bain, je me suis aperçu que par leur intermédiaire, je pouvais peut-être espérer joindre un tout petit peu de cette vérité intérieure. Je dis un tout petit peu parce que cette vérité intérieure, faut pas être trop ambitieux. Quand on arrive à gratter un tout petit bout, faut s'estimer bien heureux. Les Martis du cinéma vous ont présenté La Grande Illusion. Une émission de Noël Simsolo, réalisée par Maurice Audran, avec Roland Alagnès à la technique. Vous y avez entendu la voix de Jean Renoir, des extraits du film La Grande Illusion grâce aux archives de l'INA, et la participation de Jean Collet et Jean Narboni. Cette émission a été diffusée la première fois, le 2 juillet 1985, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Mon Dieu, que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel tracas. Mon Dieu, que c'est vache, mon amoureux est reparti là-bas. Mon Dieu, que c'est triste, il m'aimait si peu. Moi je l'aimais tant, je crois. Mon Dieu, tu t'en fiches, toi tu n'as Dieu que pour une autre que moi. Même si le temps passe, je n'oublie pas. La samba des jours avec toi. La samba des jours avec toi. La samba de mon cœur qui bat. La samba des jours avec toi. La samba des jours avec toi.